Dans vos rêves, vous imaginez peut-être pouvoir enfin manipuler l'ADN comme un jeu de Lego. Une station spatiale en orbite autour de la Lune, une voiture qui vole dans l'espace, Internet qui devine vos besoins et le communique à une tablette qui chuchote à votre oreille pendant qu'un drone livre vos colis. Arrêtez de rêver et patientez seulement une dizaine d'années. Si ces perspectives vous plongent dans un trouble de stress post-traumatique, plusieurs thérapies et une pilule miracle, la 3A méthyladioxyméthamphétamine pourrait vous soulager. Si vous tombez à la renverse sous l'impact de tant de nouvelles technologies, comptez sur les pansements utilisant la technique de pliage japonais Kirigami. Et si finalement vous préférez disparaître, misez sur la cape d'invisibilité façon Harry Potter à base de métamatériaux. Manipulation de l'ADN, peur post-traumatique, pansement Kirigami, c'est une partie des sujets que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder tous ces sujets et réagir à l'actualité de la recherche de la semaine, vous retrouvez vos journalistes scientifiques préférés du vendredi. Muriel Valin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Science et Vie. Philippe Pageot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique au magazine La Recherche. Et nous recevons également deux youtubeurs du projet Lutetium. Guillaume Duret, bonjour. Bonjour à tous. Et Quentin Magdelaine, bonjour. Bonjour. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine en direct sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. Il est l'heure de retrouver Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Michel, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. À l'occasion de la journée de lutte contre la maladie de Parkinson, qui se tenait mercredi dernier, une étude prédit une augmentation de 56% du nombre de malades d'ici 2050 et confirme qu'elle menace particulièrement les agriculteurs et les habitants de régions agricoles. Zoé. Oui, selon cette étude qui nous est parvenue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est publié par l'Agence Santé publique France, les maladies neurologiques représentent la principale cause d'invalidité et la deuxième cause de décès dans le monde, et ça va aller de plus en plus fort. On compte en moyenne 25 000 nouveaux cas de Parkinson par an. 17% des nouveaux cas l'année dernière étaient âgés de moins de 65 ans et ce chiffre va augmenter de 56% d'ici à 2030 avec une personne atteinte sur 120 parmi celles âgées de plus de 45 ans. Alors c'est des estimations qui sont faites par cette étude en tablant sur un taux stable de nouveaux cas et surtout évidemment c'est des chiffres qui sont liés à l'augmentation mécanique de l'incidence de cette maladie avec le vieillissement de la population. L'étude explore bien sûr et surtout le lien qui est aujourd'hui tout à fait reconnu entre l'utilisation de pesticides, l'exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson. C'est ce que m'expliquait Alexis Elbaz, il est épidémiologiste et il est directeur de recherche à l'INSERM, c'est l'un des co-auteurs de cette étude. À l'origine, en fait, il y a une observation accidentelle qui est la survenue de syndrome parkinsonien chez des jeunes héroïnomanes en Californie dans les années 80 qui avaient consommé une drogue frelatée par une molécule qui s'appelle le MPTP, qui est un neurotoxique. Et ces jeunes toxicomanes ont développé donc un syndrome parkinsonien qui ressemble beaucoup à la maladie de Parkinson. Or, le MPTP a une structure chimique très proche de celle du paraquat, qui est un herbicide qui a été très largement utilisé. Cette observation un peu accidentelle qui est à l'origine des études épidémiologiques sur la relation entre l'exposition professionnelle aux pesticides et la maladie de Parkinson. Si cette relation donc avec l'exposition professionnelle aux pesticides est assez bien connue, d'ailleurs, elle a conduit la France à reconnaître la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs depuis 2012. En revanche, on sait beaucoup moins bien quelles sont les molécules qui seraient le plus incriminées. Et c'est une question en fait qui est très difficile à étudier parce que les agriculteurs qui ont utilisé des pesticides en fait et qui développent la maladie de Parkinson à un âge assez avancé, très souvent ils ont utilisé une multitude de produits tout au long de leur vie et donc c'est très difficile de faire la part de chacun d'entre eux. Alors une autre approche possible pour étudier cette relation, puisque c'est finalement assez compliqué de connaître toute la liste de produits qu'un agriculteur a pu utiliser, c'est d'aborder la question sous l'angle du type d'agriculture. Le type d'agriculture donc pratiqué par ces agriculteurs est dans une étude publiée il y a quelques années par son équipe, Alexis Elbaz. avait confirmé qu'en France, en tout cas, c'était largement les viticulteurs, plutôt âgés, chez les viticulteurs, que l'incidence de la maladie de Parkinson était la plus grande. Alors, dans cette édition de cette semaine du bulletin, le chercheur et son équipe sont allés plus loin. Ils ont tenté d'évaluer le risque environnemental de cette exposition aux pesticides et le lien qu'il a avec l'incidence de la maladie de Parkinson, en regardant, justement, quelle était l'incidence de la maladie dans la population générale. Il présente donc un résultat original, mais aussi inquiétant, toujours, lui aussi, lié aux pesticides. Même si ce type d'étude reste méthodologiquement assez difficile à mener. C'est quelque chose qui a été beaucoup moins étudié. La première étude qui a montré des résultats en ce sens, c'est une étude qui a été faite en Californie. Donc les chercheurs disposaient d'un registre de vente de pesticides qui permet de localiser chaque application de pesticides depuis les années 70. Et donc ils ont étudié le risque de maladie de Parkinson chez des personnes qui habitaient à proximité de champs traités à l'aide de ce registre. Et ils ont montré qu'en effet, les personnes qui habitaient dans un rayon de 500 mètres, je crois, avaient un risque augmenté de maladie de Parkinson, même si ces personnes n'étaient pas elles-mêmes agricultrices. Et donc en France, nous ne disposons pas de ce type de registre, malheureusement. En revanche, on dispose du recensement agricole, qui est un recensement exhaustif des exploitations françaises, qui ne dispose pas d'informations sur le type de pesticides qui sont utilisés dans les exploitations. En revanche, il permet d'obtenir des informations très détaillées sur le type d'agriculture de ces exploitations. Et donc, ce que nous avons fait, c'est mettre en relation l'incidence de la maladie de Parkinson dans les cantons français avec les caractéristiques agricoles de ces cantons. Et ce que nous avons observé, d'une part, c'est que l'incidence de la maladie de Parkinson est plus élevée dans les régions très agricoles et que cette relation est le plus marquée pour les cantons très viticoles. Et en bref, Zoé, une étude britannique affirme que les couches tard ont un risque de mortalité plus élevé que les couches tôt. Et cette étude est la première qui méthodologiquement s'attaque sérieusement à évaluer le risque de mortalité en fonction de l'heure du coucher. Elle a porté sur près d'un demi-million d'habitants du Royaume-Uni, âgés de 38 à 73 ans. Et elle montre que les couches tard ont un risque de décès de toute cause de 10% plus élevé que les couches tôt, et ce sur une période étudiée de 6 ans et demi. Des études antérieures avaient souligné les taux plus élevés des couches tard pour les maladies cardiovasculaires, les pathologies métaboliques comme le diabète. Les auteurs évoquent un vrai problème de santé publique et préconisent que les couches tard aient par exemple une plus grande flexibilité d'horaire de travail pour pouvoir commencer et finir plus tard. Et de nouvelles données de l'instrument Sphere, installé sur le Very Large Telescope au Chili, révèlent la diversité des disques où se forment les planètes. Sphere, je le rappelle, a été conçu pour dénicher des exoplanètes autour des étoiles proches du Soleil. Il a été utilisé cette fois donc pour observer ces disques de gaz et de poussière, structures éphémères dont la durée de vie ne dépasse pas les 10 millions d'années, ce qui est très court à l'échelle du temps de l'univers, et qui entourent les toutes jeunes étoiles. Les images de l'instrument prouvent que ces disques varient en fait énormément, beaucoup plus qu'on ne le pensait, d'une étoile à l'autre, en termes de dimensions, de formes. Certaines sont composées d'anneaux brillants, d'autres d'anneaux sombres, d'autres encore ressemblent clairement à des hamburgers. On a toujours des formes très drôles dans l'espace. Et leur aspect varie nettement également en fonction de leur orientation dans le ciel et pourrait permettre, par exemple, un jour de mieux comprendre la naissance de la Terre. Et notre deuxième sujet est consacré à la découverte d'une équipe de géologues belges. Ils affirment avoir enfin compris le processus de création du minerai de fer d'origine volcanique, Zoé. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, on exploite aujourd'hui dans le monde deux types de gisements de fer. Le plus gros de ce qu'on a dans le monde vient à 90% de roches sédimentaires, mais 10% de la production minière de fer vient, lui, de gisements dits de type Kiruna, du nom de la plus importante mine de ce type qui est en Suède. Et ce minerai a pour particularité de provenir d'un environnement donc volcanique. Mais jusqu'ici, la formation de ce minerai restait absolument inexpliquée. Olivier Namuret est géologue à l'université de Louvain, en Belgique. Lui et son équipe croient avoir réussi à reproduire et à comprendre ce processus de formation. Ils pensent qu'il serait le fruit de conditions géologiques particulières qui conduiraient à la formation de deux laves distinctes. Alors nous, l'idée qu'on a eue, qui était assez novatrice, c'est de dire, bon, on a ces gisements qui sont dominés par du fer, qui n'ont probablement pas une composition de lave classique. Par contre, ces gisements, on a observé au Chili et dans d'autres régions du monde, qui sont encaissés dans des roches très classiques qu'on appelle des andésites, qui sont les laves qui sont produites par tous les volcans de la chaîne des Andes. Alors l'idée qu'on s'est posée, c'est est-ce que si on faisait la somme de ces deux types de roches, c'est-à-dire le minerai d'une part et les andésites d'une autre part, est-ce qu'on arriverait à une lave qui aurait une composition réaliste? Et si c'est une composition réaliste, est-ce que cette lave est capable de former des gisements de fer? Donc c'est ça qu'on a essayé de reproduire au laboratoire. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'en réalité, quand on a eu terminé l'expérience et qu'on a reproduit la température, on s'est rendu compte qu'on avait des cristaux d'une part, ça c'était prévisible, qu'on avait un liquide magmatique, c'est-à-dire une lave, ça c'était aussi prévisible, mais en réalité ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait deux types de laves différentes. Et une de ces laves est extrêmement enrichie en fer et très appauvrie en silice. Et la cristallisation de cette lave permettrait de créer des gisements de fer. Pour la première fois, on a une évidence pour dire que ces gisements de fer peuvent être d'origine magmatique. Alors, on pourrait se demander, on a reproduit ça au laboratoire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça dans la nature? Si cette lave se forme, pourquoi est-ce qu'on ne la voit jamais? Nous, ce qu'on pense, c'est que cette lave, puisqu'elle est très riche en fer, elle est très dense, et donc il est très peu probable qu'elle arrive à la surface de la Terre. Elle va plutôt rester bloquée en profondeur, à quelques kilomètres dans la croûte. Et nous pensons que c'est pour ça qu'il y a très peu d'évidence, voire pas d'évidence, pour une lave de telle composition à la surface de la Terre. En bref, Zoé, dans une étude publiée mardi, des scientifiques japonais ont analysé de massifs gisements de terres rares dans les fonds marins de l'océan Pacifique et fondent de grands espoirs sur cette découverte. Ces gisements découverts en 2013 au large de l'île de Minami-Torishima, à quelques 2000 km au sud-est de Tokyo, pourraient contenir plus de 16 millions de tonnes de ces minéraux précieux utilisés dans la fabrication de produits de haute technologie, comme la construction d'éoliennes, de batteries, de véhicules hybrides, de LED ou encore d'écrans. Tout ça demande ces fameuses terres rares. Alors, en l'occurrence, ces fonds précis pourraient représenter plusieurs centaines d'années de la consommation mondiale de ces minéraux, expliquent les auteurs de cet article. Alors, le problème majeur reste toujours l'exploitation de ces boues qui, dans à de si grandes profondeurs, restent encore aujourd'hui techniquement difficiles, voire impossibles. Et on parle encore de fossiles de dinosaures dans notre rubrique Science improbable. On aime ça, les fossiles de dinosaures. Et bien, sachez que deux squelettes de dinosaures ont dépassé mercredi à Drouot le prix d'1,5 million d'euros lors d'une vente aux enchères. C'est ce qu'a annoncé en tout cas l'hôtel des ventes. Le marché des fossiles n'est plus réservé aux scientifiques. Les dinosaures sont devenus très cool, très blanchés. Ce sont de vrais objets de décoration, comme des tableaux, expliquait l'un des experts de cette vente, Jacopo Briano, qui a travaillé notamment pour mettre en relation les maisons de vente avec des acteurs comme Leonardo DiCaprio ou Nicolas Cage, qui sont, figurez-vous, très friands de ces ornements. D'ailleurs, Nicolas Cage en a acheté plusieurs et il a dû rendre l'année dernière un crâne de Tarbosaure bâtard qui était en fait sorti illégalement de Mongolie et qu'il avait acheté. Il y a des nouveaux clients et d'ailleurs, certains d'entre eux ont acquis certains des fossiles qui étaient en vente cette semaine. Les Chinois, par exemple, qui s'intéressent de plus en plus à la paléontologie, qui essayent d'en acheter de plus en plus des fossiles pour leur musée. Et ces nouveaux acheteurs viennent s'ajouter à grands groupes industriels américains. Sachez qu'il y a des grandes fortunes européennes qui s'achètent ce type de fossiles. Et surtout, les entreprises McDonald's, Walt Disney se sont associées au musée de Chicago pour acheter des fossiles, les exposer dans leur hall. Dernièrement, on a vendu une très belle pièce à une famille vénitienne, expliquait toujours cet expert au Figaro. Ils ont une grande pièce magnifique dans leur palais dans laquelle le dinosaure était parfaitement à l'aise. Alors sachez par exemple que les carnivores ont largement plus la cote que les dinosaures végétariens. Alors évidemment, ceux qui en souffrent le plus, ce sont les paléontologues, que ce soit ceux des institutions et surtout les paléontologues qui voudraient en acheter pour leur propre plaisir. Ce sont des prix complètement aberrants et ça tristait cette semaine Ronan Alain, qui est paléontologue au musée d'histoire naturelle. C'est un monde du luxe, c'est pas fait pour des gens comme nous. On pourrait décider de faire préemption, mais avec l'arrivée pour le théropode qui doit être vendu la semaine dernière par exemple, ça voudrait dire qu'il faut qu'on débourse plus d'1 million d'euros, ce qui évidemment ni des petits paléontologues privés ni certains musées ne peuvent dépenser aujourd'hui. Merci beaucoup Zoé pour ce journal des sciences. Comme d'habitude, des réactions à ce journal autour de cette table. Qui veut commencer? Philippe Pageau. Oui, donc sur Sphère, ce magnifique résultat de cet instrument qui a détecté des disques, une variété de disques. D'abord, c'est des images extrêmement émouvantes, qu'on ne peut pas voir à la radio. Oui, on va vous les mettre sur le site, voilà, elles sont très jolies. On voit réellement des planètes en train de se former, et cette variété ouvre énormément de perspectives sur la formation des planètes. Alors, je rappelle que Sphère, effectivement, c'est un instrument européen qui a démarré en 2014, est censé découvrir des exoplanètes. Pourtant, il y en a vu une, donc c'est encore le début. Mais petit à petit, en tout cas, il voit les disques et on voit des choses extrêmement belles, qui rappellent d'ailleurs les images de Alma. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait vu des images de Alma de planètes en train de former. Et là, on reproduit la même chose dans l'optique maintenant. C'est magnifique. Okay. Peut-être, oui, une autre réaction. Oui, sur les... Quentin Magdalène. Oui, sur les terres rares trouvées dans les boues... Non, au Japon, ça c'est une vraie bonne nouvelle parce que on oublie souvent de dire que les énergies renouvelables sont possibles grâce à des matériaux qui ne sont eux pas renouvelables et surtout sont très rares et en très petite quantité sur Terre. Et notamment c'est le cas aussi de l'indium qui est utilisé dans les panneaux solaires et dans les écrans, dans les téléviseurs. Et au rythme actuel, on n'aura plus dans 15-20 ans, il me semble. Donc il y a bien sûr il y a des recherches pour essayer de le remplacer, mais c'est quand même des très bonnes nouvelles de savoir qu'il y a des gisements pour de très longtemps sur de ces matériaux-là. Guillaume Duret. Oui, pour la petite histoire, le lutécium, c'est une terre rare. Ça a pas beaucoup d'applications. Enfin, ça en a en imagerie médicale, l'imagerie par émission de positrons. Mais ça fait partie de la famille. La question que je me posais par rapport à cette étude, c'est est-ce qu'on sait quel va être l'impact sur l'environnement de si on veut extraire ces bouts. Est-ce que ça va faire comme en Chine ou partout ailleurs où c'est complètement catastrophique Je crois qu'il y a une réponse, mais pour le moment, en fait, la question se pose pratiquement pas parce que pour le moment, on n'a même pas les techniques. Alors, la question de savoir quel serait leur impact environnemental se pose, mais pour le moment, on les a même pas. Je crois. Marielle Valin. Oui, moi je voulais réagir dessus parce que c'est un sujet qu'on suit de près à Sciences et Vie et il y a eu d'ailleurs un gros dossier de fait en mois de février dessus. En fait, effectivement, c'est une vraie problématique de savoir où est-ce qu'on va aller chercher les terres rares. Il y a des sources actuellement, mais le problème c'est qu'elles sont aux mains de quelques pays et d'un point de vue géostratégique, du coup. Essentiellement la Chine. Essentiellement la Chine, voilà. Donc par exemple le Japon, les États-Unis, l'Europe, voilà, un certain nombre d'endroits dans le monde, on se dit qu'il faut trouver d'autres gisements. Et donc il y a vraiment ce projet d'essayer de trouver au fond de l'eau, notamment au niveau des abysses, des nouveaux gisements. Et il y a un gros potentiel qui serait au niveau notamment des sources hydrothermales. Le problème, c'est arriver à aller effectivement à ces profondeurs-là, parce que quand on arrive à 1500, 2000 mètres, voire 4000, 5000 mètres, comment on y va, comment on s'y prend pour aller extraire ces ressources. Et puis, on en parlait, comment on fait pour essayer de ne pas projeter partout la poussière pour ne pas perturber la faune et la flore qui sont implantées. Et en ce moment, on a l'impression qu'il y a un emballement autour de ces travaux-là. On est capable de mettre au point des robots, des extracteurs, des aspirateurs à particules. On commence à savoir faire parce qu'il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années là-dessus. Mais finalement, ça s'accélère et on n'a pas encore vraiment du recul sur quel impact ça va avoir sur l'environnement. Ce problème de l'environnement, il existe aussi sur Terre. Et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la Chine a pris cette part du marché des terres rares. C'est qu'ailleurs, elles ne sont pas exploitées parce qu'il est très mauvais, écologiquement parlant, de créer des mines pour extraire ces terres rares. Philippe Pajot. Et plus généralement, d'ailleurs, c'est une question de ressources générales, pas uniquement les terres rares. Je pensais au cobalt, qui est un métal, qui cette fois-ci, c'est pas la Chine qui a les gisements, c'est plutôt au Congo. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des boues métallifères au fond des océans de cobalt, mais qui sont dans des conditions extrêmement difficiles et qui sont difficiles à récupérer. Et du coup, moi, je me dis, au lieu de s'emballer et se dire, est-ce qu'on va aller chercher encore plus loin toutes ces ressources, est-ce qu'il faudrait pas mieux, peut-être pas moins consommer, mais effectivement mettre en place quelque chose de moins onéreux qui serait de la récupération, enfin des processus de récupération qui sont sans doute beaucoup plus faciles à faire. Une réaction sur un autre sujet, la maladie de Parkinson ne vous inspire pas chez les viticulteurs en particulier, donc qui sont des victimes, semble-t-il, très visées. Oui, alors évidemment, avec toutes ces questions de méthodologie qui se posent sur ces études, qui sont des études de population, parce qu'évidemment, on peut avoir plein d'autres arguments en disant, mais peut-être que finalement, les populations et les environnements viticoles ont d'autres caractéristiques qui pourraient eux aussi être responsables de la maladie de Parkinson. Ça fait partie des potentielles faiblesses méthodologiques de ce type d'études. Néanmoins, ça fait partie des chiffres, en tout cas des données qui reviennent inlassablement, donc aussi bien quand on parle des agriculteurs et de l'incidence chez les agriculteurs que dans la population générale. Et ça, c'était une nouveauté cette semaine de cette étude. Pas de réaction, peut-être un mot sur l'heure de coucher qui me paraît intéressante dans la mesure où donc cette étude dont vous parliez Zoé montre que on gagne 10% de durée de vie, mais combien perd-on en se couchant tôt de durée de vie éveillée? Ça c'est une vraie question et moi qui suis moi-même une couche tard, je serais bien en mal de vous répondre. Oui, c'est vrai qu'on a perdu en moyenne une heure de sommeil ces dernières années et que l'heure du début, si je puis dire, est quand même primordiale et celle-là on peut pas la récupérer. Muriel Valin. Oui, moi j'ai réagi par rapport à ces résultats-là parce que ça montre à quel point le domaine de la chronobiologie est fondamentale. On a énormément encore à découvrir dessus et on n'en tient pas assez compte, effectivement, quand on étudie les certain nombre de sujets en médecine. Bah, c'est une des conclusions des auteurs qui consiste à dire que les couches tard ne sont pas uniquement des couches tard, probablement pour des raisons sociales, mais parce qu'il y a un problème sans doute de rythme circadien. On sait que la recherche sur le rythme circadien se développe beaucoup et que sans doute il faudrait, quand on est un vrai couche tard et qu'on a sans doute des problématiques de rythme circadien, pouvoir avoir une vie finalement adaptée. La méthode scientifique. Michel Alberganti. Après le journal des sciences, il est l'heure de notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Nous commençons avec Muriel Valin, dont le journal Science et Vie consacre le dossier de son numéro d'avril aux technologies du futur. Parmi tout ce qui va changer d'ici 2030, dont on dira peut-être un mot ensuite, la manipulation de l'ADN fait sans doute partie des perspectives les plus troublantes, Muriel Valin. Oui, alors vous avez peut-être été surpris par ce domaine-là, parce que quand on parle des technos de 2030... et des objets qui vont apparaître d'ici 2030, on ne s'attend pas forcément à parler de manipulation d'ADN. Et en fait, si, pour préparer ce dossier-là, on a contacté une trentaine de chercheurs et d'ingénieurs à qui on a posé la question simple, quel objet n'existe pas aujourd'hui et pourrait apparaître d'ici 2030. Et un certain nombre d'entre eux nous ont clairement dit, il va se passer quelque chose avec l'utilisation du vivant et comment ce vivant va pouvoir être... modifier et éventuellement être introduit dans des objets qui vont avoir du coup de nouvelles fonctionnalités. Donc l'utilisation de l'ADN modifié génétique, donc une modification génétique qui serait utilisée pour faire naître des nouveaux objets. D'autant que CRISPR-Cas9 qui a défrayé la chronique récemment, eh bien serait il y aurait déjà quelque technique qui va plus loin, qui est meilleure et qui s'appellerait CRISPR-CPF1. Donc c'est un grand art de la communication en matière de dénomination de ces techniques. Oui, en fait il y a réellement plusieurs approches aujourd'hui qui sont très prometteuses pour manipuler, justement modifier l'ADN. Donc vous parlez de CRISPR-Cas9, c'est une des pistes et elle est clairement très intéressante, même si on n'a pas encore beaucoup de recul. L'autre est plus ancienne et peut-être un peu plus maîtrisée. En tout cas, il y a moins de risques de mutation, c'est la transgénèse. Et dans les deux cas, l'idée, c'est de pouvoir aller modifier effectivement l'ADN, soit en coupant une séquence et en introduisant autre chose, soit en insérant des gènes étrangers. Et du coup, on se retrouve avec typiquement des bactéries, par exemple, qui vont avoir des propriétés un peu différentes de celles qu'elles avaient initialement. Et ces propriétés vont être utilisées pour créer donc des fonctionnalités dans des objets complètement hallucinants. Alors peut-être même un problème de définition des OGM. Souvent ils ont été définis comme l'introduction de gènes venant d'une autre espèce dans l'ADN d'une espèce donnée. Et là on peut faire du copier-coller avec le génome tel qu'il est au départ, avec l'ADN originel. Et est-ce que là, dans ce cas-là, on parle encore d'OGM ? Oui, alors on peut tirer un peu l'appellation. C'est vrai que OGM, ça a été au départ vraiment limité à donc des manipulations qui ont été faites surtout par transgénèse et qui ont donné lieu à des applications médicales, des applications dans l'alimentaire, dans l'agriculture. Là, maintenant, on va plus loin et on se dit qu'on peut, à partir d'un brin d'ADN, procéder à des modifications pour avoir des nouvelles propriétés. Donc on va plus loin. Et on peut créer quoi alors, est-ce qu'on a déjà une perspective? Le plus simple, c'est peut-être de donner des exemples pour qu'on voit concrètement ce que ça signifie. Alors, il y a un projet qui est vraiment très, très intéressant, qui est d'essayer de se dire, est-ce qu'on peut créer des éclairages vivants? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais l'éclairage représente par exemple en France une consommation d'électricité monumentale. C'est 10% de la consommation d'électricité qui est utilisée par l'éclairage. Donc si on veut essayer de réduire cette consommation et puis aussi se dire qu'il y a d'éclairage un peu partout et parfois bien plus que nécessaire, et donc ça fait une pollution lumineuse qu'il faudra arriver à réduire. On a commencé à éteindre l'éclairage des routes et ça pose peut-être certains problèmes. Voilà, alors il y a cette piste des nouveaux objets qui utiliseraient justement des modifications génétiques. Donc ce sont des plantes ou des surfaces dans lesquelles on mettrait des bactéries génétiquement modifiées pour qu'elles soient bioluminescentes. Alors vous voyez ce que c'est la bioluminescence? C'est les vers luisants. Les vers luisants, voilà, les lucioles. Donc la bioluminescence, c'est un phénomène naturel qui existe effectivement chez un certain nombre d'êtres vivants. Les plantes, elles ne sont pas spontanément bioluminescentes, mais si on arrive introduire des bactéries qui sont elles bioluminescentes à l'intérieur des plantes ou à l'intérieur de surfaces qu'on va utiliser, on pourra utiliser ce phénomène d'émission lumineuse naturelle et donc sans consommation d'électricité. Et l'autre aspect intéressant, c'est que du coup, c'est un éclairage très doux. Et alors, évidemment, ça va pas, il y a certaines situations où on a besoin d'un gros éclairage, mais quand on pense par exemple dans les parcs, dans tout l'éclairage urbain la nuit, on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir des gros spots qui éclairent énormément et qui consomment beaucoup d'électricité. Si on arrive à avoir des surfaces au sol ou intégrées dans le mobilier urbain qui éclairent doucement et un peu au compte-goutte en fonction des besoins avec des capteurs éventuellement, on se retrouve avec quelque chose qui donne une approche très intéressante. Donc des buissons lumineux dans les parcs par exemple, voilà. Plutôt que des lampadaires avec des plantes qui plantent. Voilà, donc ce sont des Américains qui ont commencé à travailler dessus déjà il y a un petit moment, ça fait une petite dizaine d'années. Les résultats étaient assez médiocres, mais petit à petit, ils ont progressé. Aujourd'hui, on arrive à avoir des éclairages qui sont presque comme une bougie, donc c'est encore limité. Mais l'idée fait son chemin, et en France, on a des startups qui sont en train de se monter, notamment une startup qui s'appelle Glowy, qui travaille beaucoup là-dessus, qui commence à avoir aussi des résultats intéressants. Donc voilà, c'est en cours. Évidemment, la question se pose de comment on gère ces bactéries génétiquement modifiées dans des surfaces comme ça qui se retrouvent dans l'environnement. Est-ce qu'on arrive à avoir des surfaces qui sont stables dans le temps? Est-ce que les bactéries, on arrive à les alimenter pour que ça, voilà, que ça soit stable et durable, qu'au bout de 2 heures, ça ne s'arrête pas? Et puis, la dissémination. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, la dissémination. Comment on fait pour éviter que ces bactéries se retrouvent éparpillé un peu partout. Donc ça pose plein de questions et évidemment il y a encore des travaux là-dessus. C'est pour ça qu'on parle d'une échéance de 2030 et probablement pas avant pour avoir quelque chose de très concret. Mais l'avantage de l'éclairage, c'est que ça posera peut-être moins de problèmes éthiques que d'autres applications de ces manipulations génétiques. Alors voilà, on a un autre type d'application qui est assez fascinant mais qui pose là encore beaucoup de questions. Ce sont des travaux autour d'un tatouage qui intégrerait là encore des bactéries génétiquement modifiées et qui serait capable de changer de couleur, devenir fluorescente en fonction des composés chimiques qui sont autour d'elle. C'est-à-dire typiquement, si on a ce tatouage qui est sur la peau avec les bactéries à l'intérieur et qu'il détecte un certain taux de glucose ou du sodium, à partir de ce taux qui serait anormal ou étonnant, elle changerait de couleur et la bactérie elle-même deviendrait une sorte de capteur. Donc il n'y aurait pas de circuit électronique. C'est la bactérie elle-même qui ferait office de petit circuit d'analyse. Et puis à la différence par exemple d'une prise de sang quand on veut faire de l'analyse physiologique ou du suivi de maladie, là on aurait un diagnostic immédiat. Bon. Et visuel, donc ce serait formidable. Visuel, il suffirait de regarder le dessus donc, de sa main pour savoir si on est malade. Le MIT a présenté ces travaux-là il y a quelques mois, donc on a déjà des premiers prototypes en laboratoire très sommaires, là encore, mais ça nous semble effectivement très prometteur et il y a tout lieu de penser que ce genre d'application à la fois médicale, mais on pourrait penser aussi justement pour l'environnement, que le patch en question puisse aussi être un détecteur de paramètres dans l'environnement. De pollution, exactement. Voilà, vous voyez, donc il y a plein d'applications qui se profilent et qui semblent vraiment intéressantes. Et donc des mutants, c'est la même chose, on peut imaginer aussi qu'on va modifier l'ADN pour donner des performances supplémentaires à l'être humain, ou évidemment à corriger certains défauts qui peuvent engendrer des maladies, mais cette perspective d'un homme amélioré fait partie aussi des perspectives. Voilà, alors les chercheurs qu'on a interrogés ne se sont pas tellement prononcés sur cette approche-là. Par contre, dans la même lignée que le tatouage, il y a évidemment aussi tous les vêtements intelligents dont on entend régulièrement parler. Mais on peut imaginer des vêtements qui intégreront là encore des bactéries génétiquement modifiées et qui feront de la détection de paramètres dans l'environnement ou enverront des informations en se mettant soit éclairer, soit changer de couleur. Donc l'avenir, c'est la domestication des bactéries en fait, et donc leur les exploitation bactéries, à notre profit. Voilà, comment leur donner des nouvelles propriétés et comment les intégrer après dans des objets du quotidien pour en tirer des nouvelles propriétés étonnantes pour notre quotidien. Des réactions assez nouvelles ou ces perspectives parfois ébouriffantes. Qui veut réagir, Quentin Magdelaine? Oui, moi j'avoue que l'idée d'avoir un éclairage doux de fait par bioluminescence, ça me fait un peu assez rêver. J'aime beaucoup l'idée. Mais sinon, d'autres applications avec ce type de technologie que je trouve assez folle, ça serait la production d'électricité et de dioxygène avec des bactéries par photosynthèse. Je trouve que ça c'est un peu d'une pierre trois coups où on consomme du CO2 et on produit de l'oxygène, l'électricité. Et de manière potentiellement propre. Ça, c'est quelque chose qui fait aussi assez rêver. Muriel Valin. Oui, c'est un des objets qu'on présente effectivement dans ce dossier aussi. C'est une biopile qui reprend exactement ce principe-là. Et on en est vraiment au début. Hein. Les résultats sont très très limités pour l'instant en termes de production d'électricité, mais on peut imaginer qu'à l'échelle de 5-10 ans, on arrivera à avoir un rendement plus important. Et à recharger nos téléphones avec. À recharger nos téléphones, notamment dans les zones où il n'y a pas de réseau électrique. Et, oui, ça sera bien pratique de pouvoir juste contenter d'une batterie avec des bactéries à l'intérieur. Second sujet de cette table ronde, le stress post-traumatique et ses moyens de le soigner. Philippe Pajot. Alors effectivement, on a consacré un gros dossier dans notre numéro de Soumassi de la recherche à la neuroscience des émotions. Et parmi les articles, les sujets qu'on a traités, il y a effectivement un sujet qui est malheureusement d'actualité, de société d'actualité, qui est le stress post-traumatique. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes... soumis à cette résurgence de souvenirs qui peuvent survenir un peu n'importe quand après avoir subi des événements tragiques. Alors la méthode un peu classique, c'est effectivement une psychothérapie. Hein, vous allez votre thérapeute et vous en fait vous avez on appelle ça des psychothérapies comportementales où vous répétez votre souvenir, vous le redites pour essayer de réduire la charge émotionnelle. Ça c'est après la prise en charge par les cellules psychologiques. Bien sûr, oui, mais c'est du long terme effectivement, parce qu'en fait le trouble est aujourd'hui identifié comme étant une pathologie de la mémoire. En fait, lorsqu'on mémorise un événement, le souvenir qui est associé contient deux parties. Il y a une partie contextuelle qui est régie par l'hippocampe, le souvenir effectivement de l'événement, et une partie plus émotionnelle. Et cette fois-ci, le chef d'orchestre de l'émotion dans le cerveau, c'est l'amygdale. Et en fait, le stress post-traumatique survient lorsque vous avez une sorte de déséquilibre entre justement ces deux entités, l'amygdale et l'hippocampe. Alors, ce qu'on présente là, c'est une étude dont les résultats viennent d'être publiés, d'abord par une équipe canadienne dirigée par Alain Brunet, qui est un protocole qui paraît un peu magique. En fait, on va demander aux patients de mettre par écrit le souvenir qui est à l'origine du traumatisme, en détaillant ce qu'ils ont ressenti. Une fois par semaine, ensuite, pendant 6 semaines, ils vont lire ce texte devant un thérapeute à haute voix. Mais c'est là que ça se diffère un petit peu de la thérapie habituelle, c'est qu'ils auront pris en fait 1h30 avant chaque lecture une petite pilule qui s'appelle du propanolol. Et dans les 3/4 des cas, c'est là qui est spectaculaire, c'est que après quelques séances, en fait, la charge émotionnelle du souvenir diminue, et à la fin du processus, en fait, le souvenir devient quelque chose qui peuvent raconter comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Donc, ça marche extrêmement bien. Donc, dans 60 à 70% des cas, ce qui est en psychiatrie est considéré comme le but. Voilà, on n'a rien qui marche mieux. Quand ça marche 70%, on dit que ça marche très bien. Et est-ce qu'on sait pourquoi ça marche? Alors, justement, le problème, c'est qu'on ne sait pas bien pourquoi ça marche. Il y a des études plus récentes qui ont été refaites ensuite, notamment en France, avec également du propanolol à Tours, Lille et Toulouse, où cette fois-ci, on a fait un peu le même processus, c'est-à-dire qu'on a fait prendre des gens du propanolol, et à d'autres, c'est un placebo. Et ça marche à peu près aussi bien dans les deux cas, donc ça qui est étonnant. Mais ceux qui ont pris le placebo ont un taux de rechute de 25%, alors que ceux qui ont pris le propanolol n'ont pas de rechute. Donc on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui fonctionne. On ne connaît pas en fait les mécanismes moléculaires On l'a trouvé par hasard. Alors c'était un bêta bloquant qui était utilisé contre l'hypertension et qui avait déjà un rôle effectivement dans des études précédentes. Donc on l'a pas trouvé complètement par hasard, mais c'est un traitement qui effectivement est extrêmement prometteur. Mais il y a d'autres molécules en fait qui peuvent aussi avoir des effets prometteurs, et donc il y a celle que vous mentionniez, la fameuse 3-4 méthylène, voilà, Dioxyméthamphétamine. Alors on l'appelait MDMA, ça va être plus facile d'appeler MDMA. En fait, c'est le composant principal de l'ecstasy. Hein, c'est ça qui est surprenant. C'est ça qui est quand même assez surprenant. Et donc qui est maintenant considéré par la FDA, donc la FDA l'a considéré comme un candidat sérieux à l'arsenal des traitements contre ces troubles du stress post-traumatique. Et ça a même été si efficace que la FDA lui a donné un statut de breakthrough therapy, hein, c'est-à-dire qu'en fait on réservait à des médicaments et à des thérapies qui ont tellement d'effets, qui sont tellement positifs, qu'on essaie d'accélérer leur mise sur le marché. Et donc là, alors le protocole, je l'ai écrit aussi très rapidement. Donc c'est là, on propose une prise de MDMA contrôlée, combinée également à une psychothérapie. Vous savez que le MDMA, en fait, vous allez savoir. Maintenant, je vais le savoir. D'augmenter la production d'ocytocine, hein, c'est le neuropeptide qui régule la réponse du système nerveux autonome à la peur. Et en fait, du coup, l'ocytocine réduit l'anxiété et augmente donc le sentiment de confiance. Et du coup, lorsque vous êtes en thérapie, après avoir pris la MDMA, vous êtes beaucoup plus en confiance. Et lorsque vous racontez votre souvenir traumatique pour l'évacuer, ça marche mieux. Et donc là également, c'est une étude qui a porté sur 107 patients. Et vous avez eu 67% de guérison de patients atteints de ce trouble post-traumatique. Donc là, on est en étude de phase 2, et donc qui a bien marché. Donc là maintenant, ils ont essayé de passer en étude de phase 3. Donc c'est quelque chose qui est complémentaire, je dirais, des thérapies comportementales. Il y a une autre thérapie qui est celle des mouvements rapides des yeux, qui est aussi une sorte qui s'apparente. Le MDR. Voilà, le MDR. Et là, ce qui est intéressant, c'est la combinaison, c'est-à-dire que ce ne sont pas des solutions purement chimiques, c'est une combinaison en chimie et psychothérapie. Exactement, c'est une combinaison des deux. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que là, je vous dis que c'est très efficace. Après les attentats de novembre 2015 à Paris, il y a eu tout un programme qui a été lancé, donc notamment le projet Paris Mémoire Vive, où on déploie des protocoles justement pour aider les victimes des attentats, ceux qui sont touchés par ce stress. Et il y a actuellement encore un recrutement en cours pour essayer de recruter des gens qui pourraient bénéficier de cette thérapie. Donc là, c'est plus le but, mais là, c'est plus de prouver l'efficacité du protocole, hein, qui maintenant est bien prouvé, mais donc de mettre en œuvre et puis d'améliorer le devenir de ces patients. Ce fameux MDMA, lui, est en test aux États-Unis, donc c'est pas encore approuvé complètement pour les États-Unis. Phase 3, vous... Phase 3, oui, c'est ça. En fait, donc il y a un effet de phase 3 qui est approuvé par la FDA, la Fédération américaine des médicaments. Mais le problème, c'est qu'un effet de phase 3, ça demande pas mal de sous. Ils sont encore en train de chercher de l'argent. Ce qui est amusant, c'est que l'essai clinique de phase 2, il a été mis en place par l'organisation des études psychédéliques, puisque effectivement, en lien avec l'extasie, donc vous voulez. Ça risque de mélanger un petit peu les frontières ou d'effacer les frontières entre la drogue et le médicament. Alors effectivement, faut bien faire attention au risque d'addiction qui est réel avec ce genre de choses, et c'est pour ça que dans tout ce qu'on dit là, c'est que ça doit être pris de manière extrêmement contrôlée. Et voilà, avec des médecins, c'est pas quelque chose qu'on peut faire encore chez soi. Donc je ne dis pas, prenez de la MDA et MDMA et vous irez mieux si vous avez un stress post-traumatique. C'est encore, il faut le faire de manière contrôlée. D'où l'intérêt du couplage qui permet peut-être de mieux encadrer justement ces pratiques qu'un traitement que l'on prendrait tout seul, des réactions. Exactement. Muriel Valin. Oui, est-ce qu'on sait un petit peu au niveau justement des effets secondaires et du sevrage, est-ce qu'on a du recul là-dessus? Non, pas du tout encore. Non. C'est pas du tout. Effectivement, la première étude donc portée sur 60 personnes, celle le MDMA sur une centaine de personnes, et cette étude qui vient d'être publiée, on n'a pas encore d'effet sur le sevrage. C'est des prises assez faibles quand même de doses. Hein, la MDA, pour le propanolol, par exemple, c'est une heure et demie avant chaque lecture tous les 15 jours, et pour le MDMA, c'est pareil, c'est une fois avant chaque psychothérapie, donc il n'y a pas d'effet d'addiction. Il faut attendre un petit peu pour en savoir plus. Des réactions de Guillaume Duret. Vous avez mentionné un moment les mouvements rapides des yeux. Oui. Comment ça marche, ça? C'est une méthode aussi pour soigner le stress post-traumatique? Oui, c'est tout à fait. Donc, Philippe Pajot. Oui. Donc là, on parle de son traumatisme. C'est un peu le même type de chose, tout en réalisant des mouvements oculaires. Alors c'est un truc qui est très surprenant, qui se rapproche de l'hypnose. Et ça a été inventé par le psychologue américaine Francine Shapiro en 87, en fait. Et donc de la même façon, ça permet aux patients de se déconnecter des émotions liées aux souvenirs. Et c'est quelque chose qui est recommandé par l'OMS, à l'autorité de santé, et qui a fait ses preuves pour ce traitement. Et on sait le lien entre le mouvement des yeux et l'altération de la mémoire. Enfin, oui, ça paraît très déconnecté. C'est effectivement un peu les mêmes genres de mécanismes qui ont lieu. C'est cette histoire de lien entre l'amygdale et l'hippocampe. C'est déconnecter le souvenir contextuel du souvenir émotionnel. C'est vrai qu'il y a une parenté avec apparemment l'hypnose, oui, en termes de mécanismes intérieurs. Quentin Magdelaine. Oui, comme ça a été souligné déjà plusieurs fois, moi ce qui me semble très intéressant avec cette technique, c'est le fait que ça mélange d'une part un produit, un effet chimique et un travail personnel, parce que ça oblige la personne à vraiment travailler, mais en même temps elle doit se sentir aidée, j'imagine, par le fait qu'elle sait qu'elle prend cette substance chimique. Et du coup, je pense que ça doit être rassurant pour les personnes qui suivent le traitement, savoir qu'elles travaillent, mais que par ailleurs elles sont aidées et que ça doit les encourager, à mon avis, à continuer. Oui, c'est intéressant parce que souvent c'est un peu l'alternative, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les antidépresseurs, par exemple, soit la psychothérapie. Et effectivement, là, c'est l'intérêt, c'est la combinaison des deux qui est clairement affichée dès le départ, qui n'est pas une option. D'autres réactions, non? La méthode scientifique, Michel Alberganti. Il est temps d'aborder notre troisième sujet du jour qui concerne à la fois les pansements améliorés grâce au pliage kirigami et les métamatériaux. Et donc un assemblage qui paraît improbable a priori, mais qui a l'air d'être tout à fait judicieux, n'est-ce pas? Guillaume Duret qui commence? Guillaume Duret ou Quentin Magdelaine? Quentin Magdelaine. Alors oui, les kirigami sont une sorte de métamatériaux, et je vais expliquer en quoi. Donc des chercheurs ont essayé d'obtenir des matériaux aux propriétés mécaniques non conventionnelles, disons, notamment le fait qu'ils puissent s'étirer plus facilement et rester collés à une surface courbe alors que cette surface est en train d'être pliée, ce qui a évidemment des applications très intéressantes pour les pansements sur un coude ou sur un genou. Et donc l'idée, c'est qu'un matériau conventionnel simple, si si on essaie si on prend une feuille de papier et qu'on essaie de la coller sur une surface courbe, ça va, on va y arriver. Mais si après on essaie de plier cette surface, eh bien la feuille en papier va se décoller parce qu'elle va pas réussir à se courber dans ces deux directions en même temps. Ou se déchirer. Faire des plis, oui, c'est comme la projection d'un plan sur une sphère, les projections de Mercator, tous les problèmes des géographes. C'est difficile de mettre des sphères sur des plans. Voilà, on en a parlé hier justement. Et voilà. Donc peut-être un mot sur les métamatériaux, peut-être le définir. Oui, et donc les métamatériaux, c'est l'idée de faire des matériaux artificiels en assemblant de façon régulière différents éléments et qui vont donner des nouvelles propriétés qui sont pas simplement la moyenne des différentes propriétés des différents éléments qu'on a mis, mais où il y a vraiment y avoir des propriétés effectives nouvelles qui vont apparaître. Donc là, typiquement, on fait des trous dans une feuille, et bien on va avoir des propriétés qui sont ni celles juste d'air, ni celles de juste une feuille de papier, mais vraiment une propriété nouvelle de changement de forme et d'adhérence. Et ce sont souvent des propriétés qui n'existent pas dans la nature, et donc ça permet de faire des choses assez extraordinaires. C'est un peu le tout et plus que la somme des parties, en fait. Les métamatériaux, ça a commencé plutôt avec les ondes électromagnétiques, les ondes acoustiques, et l'aventure de ces matériaux a commencé dans les années 60-70 avec des articles théoriques où les gens s'interrogeaient sur qu'est-ce qui se passe si les paramètres traditionnels des matériaux avaient des valeurs complètement exotiques, on dit en physique, c'est-à-dire vraiment non conventionnelles. Ils se sont interrogés sur les indices de réfraction négatifs, par exemple. Les indices de réfraction, c'est une grandeur qui vous dit à quelle vitesse une onde lumineuse va se propager dans un matériau. Plus l'indice est élevé, plus c'est difficile de se propager. Et donc, vous imaginez, par exemple, une interface entre de l'eau et de l'air. Vous avez votre rayon lumineux qui arrive de l'air qui va dans l'eau, et bien avec l'indice de réfraction de l'eau, le rayon va se courber, s'il arrive de la gauche dans l'air, il va ressortir dans la droite dans l'eau, plus proche de la normale. Mais si vous avez le fameux bâton qui semble cassé dans la baignoire. Et bien là, si vous avez un matériau qui est non plus de l'eau, mais un matériau à indice négatif, vous avez votre rayon qui arrive par la gauche et il va... Quand il arrive dans le matériau, il va ressortir par la gauche. C'est-à-dire qu'il est cassé, mais il est aussi inversé. C'est-à-dire qu'il va dans l'autre sens. Et donc, c'est complètement aberrant. Et ça permet d'imaginer des applications totalement nouvelles. Alors, vous prenez un échantillon, un rectangle de ce matériau à indice négatif, et vous avez un rayon qui arrive dessus. Et bien, il va converger, puis diverger, et vous faites une lentille presque parfaite avec juste un matériau plat. Alors que d'habitude, on est habitué aux lentilles qui font de la réfraction parce qu'elles sont courbes. Là, vous avez juste un truc plat et vous contrôlez les ondes. Vous les contrôlez si bien que vous pouvez faire ce qu'on appelle une super lentille. C'est un objet qui contourne une limite fondamentale en physique, en imagerie, qui est la limite de diffraction. Le fait qu'on ne peut pas faire d'image avec une précision plus grande que la moitié de la longueur d'onde du rayonnement avec lequel on l'observe. Et là... vous arrivez à récupérer une partie des ondes lumineuses avec ce mécanisme et à faire des images extrêmement précises. Donc ce serait génial pour la microscopie, par exemple, où on dit tout le temps qu'on est limité à 200 nanomètres, en la microscopie optique, on peut pas voir des détails plus petits que ça. Si on arrivait à faire des lentilles basées sur ces métamatériaux, on pourrait voir des détails extraordinaires. C'est aussi le principe de la cape d'invisibilité. Voilà. On va peut-être en reparler, Quentin McDonald. Oui, bah, vous voulez intervenir. Je suis en effet à intervenir là-dessus. Les cas d'invisibilité jusque-là, c'était surtout des objets qui appartenaient à la science-fiction, voire plutôt à la magie. Et maintenant, en effet, avec les chercheurs... Avec un champion, hein, qui était... Harry Potter. Et maintenant, des chercheurs arrivent à faire des câbles d'invisibilité. Alors, de ce que je sais, moi, je crois qu'il n'y a pas encore de câbles d'invisibilité qui marchent parfaitement bien dans le visible. Pour l'instant, c'est plutôt pour d'autres longueurs d'onde. Mais il y a quand même un problème de vocabulaire, parce que quand on parle d'invisibilité, effectivement... Oui, pense au visible, justement. Mais les chercheurs annoncent qu'il suffirait d'adapter un peu les propriétés de leur matériau pour que ça marche dans le visible et donc avoir une véritable cape d'invisibilité. Oui, ils l'annoncent quand même depuis un certain nombre d'années. Maintenant, ils arrivent vraiment à le faire dans d'autres longueurs d'onde. Donc, on ne voit pas de raison majeure qui pourrait faire C'est des limitations techniques, en fait. Ouais. C'est qu'on a, n'arrive pas à faire les éléments plus petits qu'une certaine taille pour atteindre cette précision qu'il faut pour travailler sous la taille de la longueur d'onde de la lumière. Et par exemple, ma thèse l'un des objectifs de ma thèse, c'est de réaliser ce genre de matériaux en optique. C'est ce qu'on met toujours dans les proposals quand on cherche de l'argent, on fait miroiter l'idée voilà, d'un câble de visibilité optique. Ça, ouais, très très utile dans ce contexte. Voilà. Dans la réalité, elle est peut-être pas encore tout à fait mûre. Ces métamatériaux dont vous parlez depuis le début, en quoi sont-ils fabriqués ? Ah bah c'est totalement artificiel au sens où c'est des structures composées, enfin faites par l'assemblage de sous-unités. Donc on vient essayer de découper la matière ou de il y a deux approches, soit on part de quelque chose de très gros et on le segmente en petites parties, soit on a quelque chose qui est tout petit et qui s'assemble et qui s'auto-assemble, qui vient se mettre les uns avec les autres de façon périodique. Et donc ce qu'on considère comme des métamatériaux, c'est généralement artificiel. Mais aussi il y a certains papillons qui ont des ailes qui sont dont les couleurs sont dues à la diffraction, à des phénomènes de coloration structurelle et non pas de pigments. Ça peut être considéré comme un métamatériau artificiel, naturel finalement. Il me semble que le caméléon, sa propriété a changé et s'adapter au fond du décor. C'est grâce à sa peau qui est un métamatériau donc du coup naturel et qui peut, donc c'est un métamatériau dont il peut changer les propriétés en étirant sa peau. Il me semble que c'est comme ça que fonctionne. Même si je ne suis pas complètement sûr, les peaux de caméléon. Et ça ne nous dit pas en quoi ils sont fabriqués. C'est quand vous dites on prend soit un grand morceau et on le coupe en petits morceaux, soit des petits morceaux qu'on assemble. Oh ben, qu'est-ce que c'est comme matière? Oui, en fait ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend vraiment de l'application qu'on veut faire. Quand on veut contrôler des ondes électromagnétiques, on va prendre des petits bouts de métal. Mais ce qui compte, c'est surtout leur forme, généralement, plus que leur matière. L'un des concepts de ce domaine des métamatériaux, c'est que les propriétés viennent de la structure et non pas de la nature. Donc finalement, la nature du matériau elle-même, c'est pas extrêmement déterminant. Et c'est pour ça que avec des métamatériaux mécaniques, on peut arriver à donner des propriétés tout à fait surprenantes à une matière qui ne les a pas d'habitude. Et c'est ça l'intérêt de ce papier sur le pansement Kirigami, c'est obtenir des matériaux qui, donc c'est, on parlait des métamatériaux en optique, en acoustique. Là, on va avoir des matériaux dont les propriétés mécaniques présentent des choses complètement inattendues. Donc on a typiquement une feuille d'élastomère, enfin quelque chose d'assez rigide. Si vous tirez dessus, vous allez avoir beaucoup de mal à le déformer dans le cas de l'élastomère qu'ils ont utilisé. Et là, par exemple, j'ai apporté une petite feuille de pliage Kirigami. Une démonstration parfaitement radiophonique. Alors vous trouverez la vidéo sur le compte Twitter de l'émission. Heureusement. Vous avez une feuille de papier une feuille de plastique qui est difficile à étirer. Mais si vous faites des coupes de façon régulière, vous structurez le matériau, vous le découpez, vous le segmentez en petites entités individuelles, eh bien, ces petites entités sont très flexibles. Il est possible de les fléchir comme des tonnes de petites poutres qui sont reliées les unes avec les autres. Et donc, là où elles étaient non étirables, elles deviennent facilement fléchissables. Et donc, en tirant sur le matériau, toutes les petites poutres se séparent. Et on arrive à déformer le matériau de 2-3 fois sa taille, ce qui est gigantesque, alors que si vous essayez de tirer dessus, vous arrivez à le déformer de 1 micron en plus, enfin, ça change absolument rien. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme objet prochainement qui serait fabriqué avec ces métamatériaux? Quentin Magdalène. Alors, il y a une étude qui vient de sortir où des chercheurs en ingénierie ont fait un robot mou en s'inspirant de la manière dont les serpents se déplacent. C'est la même idée, donc c'est de Kirigami, où le serpent est en fait simplement un matériau, une feuille qui a été découpée avec dont des petits trous ont été faits dessus qui représentent les écailles du serpent. Et ce matériau étiré, déjà ça lui donne ses propriétés de pouvoir s'étirer, eh bien les écailles sortent, ce qui permet au robot de s'agripper sur le sol, et c'est ça qui va permettre en faisant gonfler et dégonfler le serpent, le faire petit à petit avancer. On a parlé des pansements, mais les développements du Kirigami sont aussi surtout motivés par l'électronique souple. Un métal, c'est quelque chose qui est très peu étirable d'habitude. Donc, vous avez deux stratégies pour le faire coller à des surfaces qui sont déformables ou bien pas des plans qui ont un volume un peu compliqué. Vous pouvez le rendre les plus fines possibles, mais là, vous avez des problèmes d'adhésion. Ou sinon, si vous le segmentez en petites coupes, vous arrivez à bah, le rendre plus flexible. Et donc, voilà, l'électronique portable, les auteurs de l'article qui ont utilisé ce pansement montrent aussi que ça peut servir pour un pansement chauffant avec des fils qui passeraient à l'intérieur et avec une résistance ou bien avec un circuit avec des petites diodes pour être allumé. Oui, Quentin Magdalen. On parlait tout à l'heure des habits connectés, mais notamment l'électronique souple et la première application auxquelles on peut penser, bah, c'est les habits connectés. Et c'est voilà, avoir ce genre de matériaux est un élément important pour pouvoir avoir des habits connectés. Pour revenir sur la cape d'invisibilité, il semblerait que justement, puisqu'on n'arrive pas encore à la produire pour les ondes visibles, il semblerait qu'on puisse quand même rendre invisibles certains obstacles, par exemple pour la radio-téléphonie, grâce à en recouvrant ces obstacles avec des métamatériaux qui guident les ondes pour qu'elles puissent faire le tour de ces obstacles. Philippe Pageot. Oui, d'ailleurs, effectivement, c'est un problème de déformation des ondes. On veut guider un peu les ondes. Oui. Et il y a des projets qui ont été faits pour essayer de protéger des bâtiments sensibles pour éviter que les séismes ne les détruisent et donc soient détournés autour de ces bâtiments sensibles par les mêmes principes. Oui. Ça serait pratique pour les bâtiments sensibles pour qu'ils échappent, quand ça marchera dans le visible, à l'œil de Google ou d'autres satellites. Oui, là, c'est généralement très très petit ce qu'on arrive à faire, donc on n'est pas du tout à l'échelle du bâtiment. Mais c'est intéressant parce que ça, c'est une cape d'invisibilité pour des ondes sismiques, et donc des ondes mécaniques. Et donc là, je suis tombé sur un article qui s'appelait « Une cape d'intouchabilité ». Vous posez un petit objet, vous mettez ce matériau que vous avez structuré, vous avez construit, brique par brique, et les ondes mécaniques, quand vous appuyez sur la cape d'intouchabilité, ne sont pas transmises sur les contours de l'objet, et donc vous avez l'impression qu'il n'y a rien. C'est le matériau idéal pour faire le matelas de la princesse Poix. Sans plus son petit poids. Parfait. D'autres réactions, Muriel Valin. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que tous ces matériaux-là sont très convoités aussi par l'armée, parce que évidemment, si on arrive à rendre une surface invisible, ça veut dire que pour les sous-marins, pour les chars d'assaut, tous les chars d'assaut, voilà, les avions. Donc il y a beaucoup de travaux effectivement menés par les secteurs de recherche militaire sur ces matériaux-là. Pas d'autres réactions. Eh bien, nous allons vous remercier d'avoir participé à cette émission. Muriel Valin, à la une de Science et Vie ce mois-ci, donc ce grand dossier sur les technologies de 2030. Alors, vous expliquez qu'il faut attendre une dizaine d'années, comme s'il s'agissait d'ailleurs d'une loi naturelle quasiment, entre un prototype et puis son application dans la vie réelle. Alors, on dit justement que ce n'est pas une loi immuable, parce qu'il y a des contre-exemples. Hein, la fameuse voiture électrique, elle a mis plus de temps entre le prototype et la sortie réelle. Et la cape d'invisibilité typiquement aussi. Quand on regarde effectivement le cycle des sorties des objets et des travaux entre le moment du laboratoire, le prototype, et puis la sortie et la vente massive, on voit que 10-12 ans, c'est une échelle de temps qui était assez crédible. Et donc, c'est pas pour rien qu'on a voulu se placer effectivement en 2030, parce que ça nous semblait pertinent de pouvoir regarder ce qu'il y avait en laboratoire actuellement et ce qui pouvait donner lieu à des objets plus tard. Donc il suffit de regarder les prototypes d'aujourd'hui pour nous projeter dans quelques années, en 2030. Philippe Pageot à la recherche, donc ce dossier sur neurosciences des émotions, qui est bien au-delà de ce qu'on a abordé aujourd'hui, c'est-à-dire le stress post-traumatique. Oui, tout à fait. Il y a aussi, on a interrogé des chercheurs qui veulent refonder un peu la neuroscience des émotions en la considérant non seulement du point de vue humain, mais également étudier les émotions des animaux. Les émotions des animaux, tout un programme. Peut-être un mot, Guillaume Duré et Quentin Magdalen, sur ce qu'il y a sur votre chaîne YouTube du projet Lutetium. Quelques mots. Alors, on est tous très occupés par nos thèses en ce moment, mais il y a une vidéo qui va sortir très prochainement, qui est une foire aux questions, où on va faire rencontrer tous les membres de l'équipe pour discuter du projet et de comment on le réalise dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci donc à tous les quatre et grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et Sarah Ijman. Et bien entendu, Elisabeth Miro à la réalisation et Clément Daté à la technique. Rendez-vous lundi prochain pour la méthode scientifique. Vous retrouverez un Nicolas Martin en pleine forme après quelques jours de vacances. Il abordera le sujet de la domestication animale. Produit-elle des animaux sur mesure ?